deuxième temps de notre série sur l'histoire des Outre-mer, en lien avec la diffusion cet après-midi dans la série documentaire sur France Culture des Antilles enchaînées à l'esclavage, une série de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani. Après avoir hier avancé dans les pas des explorateurs européens de l'Afrique au XVIIIe et au début du XIXe siècle avec Isabelle Surin, avant demain de nous arrêter sur la revue Outre-mer et après-demain de visiter les archives de la France d'Outre-mer qui sont situées donc à Aix-en-Provence dans un documentaire de Séverine Niattar et de Séverine Cassard, nous allons ce matin avec Séverine Niattar nous intéresser à la période de l'après-Seconde Guerre mondiale qui vit se développer la notion d'Outre-mer justement pour parler de ce qu'on appelait auparavant les colonies, c'est la période de la départementalisation, c'est la période de l'Union française, de la loi cadre de fer ou encore de la communauté dont nous allons parler avec nos trois invités. Edens Maurice, il est secrétaire scientifique du comité pour l'histoire préfectorale, chercheur associé à Sciences Po et à Mondes Américains à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est auteur d'une thèse sur la Guyane et l'école. Anne-Laure Olivier est avec nous, elle est professeure en classe préparatoire littéraire au lycée Camille Guérin à Poitiers et auteur d'une biographie de Gaston Defer à paraître chez Perrin. Et Frédéric Turpin est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Et il est auteur d'une biographie de Jacques Foccart, Jacques Foccart dans l'ombre du pouvoir, paru il y a 3 ans chez CNRS Éditions. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Où en est l'Union française? Annoncée en janvier 1944 par les résolutions de la conférence de Brazzaville, proclamée il y aura bientôt un an par le ministre des colonies, la constitution de l'Union française a franchi ces jours-ci 2 étapes décisives. La République du Vietnam s'est intégrée librement à la communauté formée par la France métropolitaine et la France d'outre-mer. Et l'Assemblée nationale constituante vient d'adopter une loi érigeant les 4 anciennes colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane au rang de département français. Quel esprit animera le nouveau statut des territoires français des 5 parties du monde? Quels principes présideront au pacte qui, par la prochaine constitution, les liera désormais les uns aux autres? Voilà, nous commençons cette émission d'archives du mardi, donc consacrée aux Outre-mer après la Seconde Guerre mondiale, par cet extrait de la Tribune de Paris du 14 mars 1946, où en est l'Union française. Bonjour à vous, Séverine Niattar. Bonjour. Bonjour, Edens Maurice. Bonjour, Emmanuel Laurent. Merci d'être ici. Bonjour, Frédéric Turpin. Bonjour. Et bonjour à vous, Anne-Laure Olivier. Bonjour. Nous sommes ici pour évoquer ce moment de renouvellement, pourrait-on dire, des problématiques autour de la question des colonies et de l'Outre-mer après la Seconde Guerre mondiale. On a entendu déjà quelques prémices de cette discussion dans cet archive de 1946. On y évoquait la conférence de Brazzaville en 1944. Il y a beaucoup de renouvellement, en particulier du personnel politique après cette Seconde Guerre mondiale, mais pas tout le monde, puisqu'il y a des gens qui ont participé au gouvernement d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui réfléchissent à cette question-là. Et c'est un moment important, Anne-Laure Olivier, puisque les gens qui ont gardé la vieille maison, la SFIO, après 1920, comme Léon Blum, ont peut-être évolué sur la question des colonies, au point qu'il tient un grand discours en 1946 qui frappe beaucoup votre héros d'histoire, votre héros de papier, à savoir Gaston Defer. Oui, exactement. Alors, toute la question est de savoir à quel point on a un renouveau sur les questions coloniales dans la classe politique en général et à la SFIO en particulier, à la Libération. Disons que on est dans un mélange de renouveau et de continuité, avec une certaine continuité des hommes, Léon Blum, Marius Moutet, qui sera ministre de la France d'Outre-mer, le nouveau nom du ministre des Colonies entre 46 et 47, et puis des hommes nouveaux issus de la guerre, propulsés par la résistance, notamment Gaston Defer. Donc la doctrine coloniale de la SFIO, elle est largement héritée du Front Populaire et du gouvernement du Front Populaire. Donc elle n'est pas si nouvelle que ça, mais tout le monde est conscient, encore une fois, et c'est pas propre à la SFIO, qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé entre 1940 et 1944-45, et qu'il faut donc essayer de penser l'Empire, un Empire rénové, pour pouvoir tout simplement le conserver, hein. Et par rapport à ces questions, justement, il y a aussi le contexte international qui joue. Donc vous dites pendant la guerre, mais internationalement, les États-Unis, la Grande-Bretagne commencent aussi à prendre certaines positions par rapport à la décolonisation. Bien sûr, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Les populations colonisées ont vu la France perdre la guerre en 1940, ont vu la France occupée, envahie, ont été elles-mêmes parfois occupées et ont les yeux braqués sur un certain nombre d'indépendances portées là aussi par en partie par les puissances nouvelles et notamment par les deux grands à la fin de la guerre. Et puis il y a aussi Edens Morris cette idée que la France doit son salut à ses territoires d'outre-mer pour une bonne partie, l'Afrique, mais aussi les Antilles ou encore la Guyane ont été des points d'appui pour pouvoir résister au régime de Vichy. Et cela, ça compte aussi dans la mystique que l'on va tenter de créer dans l'immédiate après-guerre. Oui, il est vrai que les vieilles colonies ont montré très très rapidement, comment dirais-je, une volonté de rejoindre la France libre à partir du moment où elles parviennent à sortir du giron pétainiste par des soulèvements populaires dès 1943. Et très rapidement, des détachements de volontaires sont organisés pour rejoindre Alger, pour aller combattre sur le sol métropolitain. Donc oui, il y a un vrai attachement à la patrie qui date finalement déjà, enfin qui s'était déjà manifesté au cours de la Première Guerre mondiale et qui participe de cette volonté de renouveler, de transformer l'Empire. Rénovation, mais pas complète transformation. Frédéric Turpin, j'imagine que tous ceux qui arrivent au pouvoir dans l'immédiat après Seconde Guerre mondiale n'ont pas l'intention de tout lâcher, même si le général de Gaulle a proposé à Brazzaville en 1944 une profonde transformation des liens. Les liens ne doivent pas être rompus, en l'occurrence. Oui, la transformation des liens, c'est d'abord de mettre fin au mot colonisation ou colonialisme. Donc l'objectif, c'est de transformer ces liens de manière à ce qu'ils soient pérennes et qu'ils soient mieux acceptés par les populations indigènes ou, comme on dit, les populations autochtones après 1945. Donc on essaye d'appliquer de plus en plus une philosophie des relations entre la métropole et les territoires d'outre-mer qui soit beaucoup plus fondée sur la notion d'association, beaucoup plus que sur celle d'assimilation. C'est là où il y a un hiatus, d'ailleurs, dans le reportage que nous avons entendu, entre le 6 mars 1946, ce sont les accords d'association, et la départementalisation, on va dans le sens de l'assimilation. C'est deux visions différentes de l'Empire, de son devenir, qui s'entrechoquent et qui d'ailleurs vont nourrir le titre 8 de la Constitution du 27 octobre 1946, en étant à la fois sur l'association et l'assimilation. On n'a pas tranché, ou on commencera à trancher avec les lois de fer, la loi de fer de 1956. Parce qu'il y a deux projets, c'est ça Frédéric Turpin. Il y a un premier projet qui ne passera pas, au printemps 1946, et puis un second de septembre 1946, donc le titre 8 de dans la Constitution elle-même, qui finalement est voté. Donc, oui. Quelle était la problématique entre ces deux Il y a eu deux assemblées nationales constituantes avec deux référendums successifs, le deuxième ayant finalement emporté donc et créé la 4ème République. Mais ce qu'on reprochait surtout à la premier projet constitutionnel soumis à référendum et refusé par les Français, c'était de laisser une trop large place à la sécession, comme on disait à l'époque, notamment le général de Gaulle ou d'autres, qui accusaient ce texte d'ouvrir les portes aux indépendances trop rapidement. C'était surtout ça, outre le fait qu'il était beaucoup trop, disons, en phase avec la philosophie de l'assimilation globalement et pas assez avec celui de l'association. Alors, association, assimilation, union, communauté, sécession, on a l'impression qu'il y a une sorte d'innovation langagière qui vient remplacer ce vieux mot de colonie ou de colonisation qui était si simple depuis un bon siècle et demi, en l'occurrence Anne-Laure Olivier, et on voit là qu'il y a une difficulté à saisir le réel, le nouveau réel, donc décidé par la Seconde Guerre mondiale. Oui, les mots sont là pour marquer en fait une rupture et une modernisation. Mais en réalité, cette idée, effectivement, on passe d'une idée d'assimilation à une idée d'association. L'assimilation était la grande philosophie des socialistes notamment, et elle était portée par l'idée qu'il fallait faire en fait de ce qu'on appelait les indigènes à terme des Français. C'est-à-dire elle était portée par le principe d'égalité et de république une et indivisible. On commence à la Libération à acter en fait, parfois douloureusement, l'échec de cette philosophie, ne serait-ce que parce qu'au moment où on est en train d'acter qu'il faut envoyer des représentants des peuples d'outre-mer au Parlement, on est en train de se dire qu'on ne peut pas pousser le principe d'assimilation jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il reviendrait finalement, hein, en posant le problème de la représentation, à envoyer un nombre finalement très important et même supérieur de représentants des peuples colonisés à ceux des représentants de la métropole. Et donc à partir du moment où on ne veut pas pousser ce principe jusqu'au bout... Oui, c'est 60 millions, dit-on à l'époque, 40 millions pour la métropole, c'est ça ? Voilà, c'est les fameux 100 millions de Français. Si on avait donc voulu une représentation égale, il y avait plus de représentants des anciennes colonies ou des... Exactement. Et donc, comme on n'a jamais voulu pousser ce principe jusqu'au bout, on commence à se dire qu'il faut peut-être penser une forme d'égalité dans la différence et donc en venir à ce principe d'association, mais qui est évidemment très ambigu parce que lui non plus n'est pas poussé jusqu'au bout. Hélène Smorris, il y a la discussion par exemple sur la départementalisation qui naît tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui va être mise en application dès 1946, justement pour changer les statuts de toutes ces vieilles colonies d'Antilles et de Guyane, par exemple. Oui, absolument. Cette difficulté à saisir le réel se traduit aussi par une difficulté à le nommer, puisque en mars 1946, comme évoqué dans le reportage initialement, ces anciennes colonies ou vieilles colonies sont élevées au rang de département français et en 47 elles deviennent département d'outre-mer. Entre ces deux dates se produit un certain nombre de rivalités qui opposent le ministre des colonies, Marius Moutet, cité par Anne-Laure, et le ministre de l'Intérieur, Édouard Lepreux. Donc ce que je veux signifier, c'est que l'outre-mer, c'est aussi finalement le résultat de rivalités au sommet de l'État entre la nomination d'outre-mer, vous voulez dire au bout du compte, et la façon dont ça va être mis en œuvre, c'est-à-dire que entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des colonies, enfin devenu ministre de l'outre-mer, il y a des tensions pour savoir où va-t-on placer ce porte-. Qui va conserver la tutelle très concrètement de ces nouveaux territoires. Et qui l'emporte alors ? Le ministre de l'Intérieur, mais on voit bien que c'est un compromis puisque l'Outre-mer est adossé au titre de département, ce qui n'était pas le cas au départ à la grande fureur d'Aimé Césaire et d'autres élites socio-économiques de ces territoires. Alors, autour de ces questions de vocabulaire, il y a ce terme de Union française. Première séance de l'Assemblée de l'Union française, nous sommes le 10 décembre 1947, ça se situe dans la salle du Congrès de Versailles et notre confrère de l'époque n'a pas oublié de décrire le décor qu'il va décrire à ses auditeurs. Ici, la salle du Congrès de Versailles où va s'ouvrir dans quelques instants la première séance de l'Assemblée de l'Union française. Vous savez que l'Assemblée de l'Union française est la quatrième Assemblée constitutionnelle française, les trois autres étant l'Assemblée nationale, le Conseil de la République et le Conseil économique. L'Assemblée de l'Union française groupe les représentants de tous les pays de l'Union française élus au suffrage universel, Union française qui avait été définie par le général de Gaulle au temps de la France libre lors de son discours de Brazzaville. La salle du Congrès est une salle assez vaste, un très vaste hémicycle, aux banquettes de Moleskine rouge, surmonté et entouré d'une galerie aux colonnades de marbre rose. Le mur qui se trouve derrière la tribune présidentielle est également de marbre rose, orné d'une vaste peinture représentant les états généraux. Les représentants groupés à l'Assemblée de l'Union française sont en train de rendre place. Monsieur Vincent Auriol, à présent, prend la parole. À vous, qui venez de toutes les parties du monde, vous, de tout pays, de toute religion, de toute race, de toutes origines, de toutes conditions. À vous tous, citoyens de l'Union française, au peuple que vous représentez, la France adresse à des voix un fraternel salut. Vous participez à une grande création, guerre, grande espérance, aujourd'hui, grande réalité, car jamais, par-delà les mers et à travers les continents, pareille union des nations et des peuples, qui, selon les termes magnifiques du législateur, dans l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion, mettront en commun ou coordonneront leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. L'Union française, mais n'était-elle pas dans les cœurs de ces populations d'outre-mer, pays aux heures sombres où la France métropolitaine était momentanément paralysée, ont été les premières à résister, ont continué le combat, se serrant autour d'un Félix Éboué et dans l'éclair dont je tiens aujourd'hui. Voilà donc Vincent Auriol qui se trouve à la tribune de cette... c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, Vincent Auriol. C'est comme ça qu'il était appelé, avec son accent roulant, à la tribune de cette Union française en 1947, au congrès de Versailles. On sent bien effectivement qu'il y a encore ce discours qui fleure bon les expositions coloniales d'avant-guerre tout de même, qui sont là, l'ensemble des peuples, des races, la France, des cinq continents, même si on l'a fait évoluer en l'occurrence, bien sûr, Olivier. Bien sûr, on sent à la fois toute la dette de ces républicains français vis-à-vis d'un empire qui a sauvé la France. Et en même temps, on est encore... il y a la volonté de passer... Le discours est très intéressant parce qu'on passe de l'idée d'une colonisation comme subordination à l'idée d'une colonisation fondée sur l'égalité et sur une union librement consentie. Reste à savoir ce qu'on met là-dessous. Et on voit très bien à quel point Vincent Auriol est très attaché à cette assemblée nouvelle, et d'autant plus qu'il est très attaché aux fonctions qu'il entend exercer de président de l'Union française. Oui, exactement. Frédéric Turpin. Oui, on est parfaitement dans le paradoxe qu'on a déjà évoqué précédemment entre association et assimilation, puisque nous avons affaire à la troisième assemblée parlementaire française, et non la quatrième, comme le prétend le commentateur, et qu'elle a des pouvoirs uniquement consultatifs. Or, c'est celle qui est censée représenter la République impériale française, c'est-à-dire l'ensemble de la République française et des peuples qui lui sont attachés, y compris les peuples outre-mer. Or, elle n'a aucun pouvoir. C'est le gouvernement français qui ne règle que les affaires métropolitaines qui a tous les pouvoirs. Hélène Maurice. Oui, je voulais ajouter qu'il n'en demeure pas moins que ce discours a pu obtenir une adhésion outre-mer. Je pense que après la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois, un noir fait son entrée au Panthéon. C'est Félix Éboué. Pour les créoles guyanais que j'ai particulièrement étudiés, j'ai le souvenir d'un article indiquant en 46 que jamais on a autant vu de parlementaires noirs au Palais Bourbon. J'ai le souvenir aussi de l'élection à la Guadeloupe de Madame Éboué, Madame Eugénie Tel Éboué, pour la première fois, une députée femme noire qui est élue. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a bien un espoir, un moment très fugace, pourrait-on dire. Je ne sais pas s'il est très fugace, mais en tout cas, il y a cette idée que ce grand projet de réaliser la plus grande France est peut-être possible. Et parallèlement, il y a deux lois notamment importantes qui sont votées, qui abolissent l'indégénat et le travail forcé, ce qui n'est pas rien. Alors ça aussi, est-ce que ça permet aussi à ces pays de croire en une libre union avec la France dans plus ou moins une certaine autonomie. Encore une fois, je me situe du côté des territoires que je connais un peu mieux. La Guyane. La Guyane et, de manière générale, les vieilles colonies qui sont départementalisées. Et Séverine Gattard a tout à fait raison de rappeler que la loi Lamine-Gay de 1946 qui met fin au... qui étend la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire, la loi qui abolit le travail forcé, tout ça sont des moments très importants qui marquent finalement une rupture avec le colonial. Oui, et vous dites d'ailleurs, dans un travail que vous avez mené sur les relations des préfets dans ces années-là avec les élites créoles guyanaises, que les élites créoles guyanaises sont vraiment du côté justement de cette départementalisation, qu'elles sont, elles accompagnent cette tentation donc métropolitaine de donner plus d'autonomie à ces territoires et surtout de rompre avec le principe du gouvernorat qui était le principe précédent de ces colonies, ce qui va pas durer parce que ça, au bout d'une dizaine d'années, il y aura des tensions, mais disons en 1946-47, au début des années 50, c'est encore le cas, Edens Maurice. Oui, absolument. Alors quand on relit les mémoires de Jules Mocq, qui est à l'époque ministre des Travaux publics et puis par ailleurs, enfin quelques mois plus tard, ministre de l'Intérieur, il rapporte ce qu'a été l'installation de ces nouveaux préfets et l'accueil enthousiaste, la ferveur, y compris d'Aimé Césaire, partout dans ces nouveaux départements français. Et Sylvain Marie montre dans une thèse récente, passionnante, à quel point le ministère de l'Intérieur a vraiment tout fait pour imposer la figure du préfet, qui est un symbole républicain. C'est vrai, Nata. Juste alors, par rapport à la partition politique en métropole, et là je pense justement à la vision de la SFIO et peut-être à celle aussi du RPF, Frédéric Turpin, Yann Leroy-Olivier. Alors, le RPF pense qu'on brade l'empire colonial, la SFIO ne veut pas abandonner l'empire. En fait, comment voilà la situation politique finalement en métropole par rapport à cette problématique où, et tous les hommes politiques y sont confrontés d'une certaine manière. Frédéric Turpin. Alors, le discours qu'on a entendu de Vincent Auriol, donc on est bien dans ce fleurbon, comme dit Emmanuel, les années de la Troisième République, toutes ces belles ampoules finalement d'encens républicains et autres, et font référence aussi à l'histoire des humanités classiques de ces générations-là. Ce sont des gens qui sont pétris d'humanité classique et notamment de l'histoire de l'Empire romain. Donc c'est normal que l'assimilation soit mise en avant parce que c'est l'édit de Caracalla derrière. Il a fallu 200 ans pour amener tous les pérégrins de l'Empire, y compris les Gaulois, à devenir des citoyens de plein droit. Donc on est bien dans cette phase lyrique de ce type de discours. Mais on a du mal à comprendre aussi aujourd'hui qu'il est partagé aussi par une partie des élites, notamment des élites antillaises, très clairement, parce que c'est le droit d'être à égalité avec les autres citoyens de métropole, d'être des citoyens à part entière et pas simplement une sorte de sous-produit de la colonisation. Et ça, c'est différent. Alors, le RPF, ensuite, évidemment, pendant toute la 4e République, va maintenir une position qui sera une position essentiellement de refus de brader l'Empire, de l'indépendance, à tout prix. Anne-Laure-Olivier. Oui, en fait, je dirais que les espoirs chez les populations d'outre-mer, et notamment parmi leurs élites et leurs nouveaux parlementaires, sont bien réels au début de l'année 46 et au moment de la première constituante. Les colonies votent à rebours de la métropole, majoritairement pour le premier projet constitutionnel. Ce qui n'est pas le cas pour le deuxième. Et je crois que, en fait, les espoirs sont déçus dès le deuxième projet constitutionnel et donc dès la fin de l'année 46, tout simplement parce que un certain nombre d'élites africaines comprennent que l'union ne signifie pas mettre la métropole sur un pied d'égalité avec les colonies. Et à partir de ce moment-là, et signifie évidemment encore moins aller à l'indépendance. Vous ajoutez à ça un statut très différent des colonies, qui complexifie le jeu politique. Un éparpillement des colonies, vous l'avez dit, entre différents ministères, et une division au sein même des partis, les socialistes en sont un bel exemple, sur la politique à mener en fonction des territoires coloniaux. Oui, et puis il faut bien reconnaître que ces années-là sont des années difficiles pour la colonisation. Vous nous rappelez dans le livre à paraître chez Perrin sur Gaston Defer, dans un chapitre sur cette période-là, que Gaston Defer est envoyé par Marius Moutet, envoyé personnel à Madagascar au moment des émeutes de Madagascar, et qu'il Il a une difficulté, pourrait-on dire, c'est le mot qu'on puisse dire, à prendre une position. C'est-à-dire que il n'est pas du côté des insurgés, il n'est pas non plus du côté de la répression à tout craint, mais néanmoins, il essaye de tenir les deux bouts de la corde et il n'y parvient pas au bout du compte, parce que tout de même, on sait ce qu'a été ce massacre de Madagascar en 1947. Bien sûr, et les socialistes sont là face à leurs contradictions, c'est-à-dire qu'ils sont pétris d'humanisme colonial, d'une mystique coloniale, de la volonté de réformer, mais ils refusent de penser le nationalisme, c'est-à-dire ils veulent améliorer les conditions des individus, émancipés au point de vue économique et social, mais ils ne veulent pas donner l'indépendance. Et Defferre est envoyé pour se rendre compte des violences et de la répression qui est commise sur place. Il mène une enquête relativement impartial et il est tout à fait soucieux de voir quels débordements ont pu avoir lieu. Mais je dirais que les conclusions de son enquête se heurtent au fait qu'il refuse de voir en face ce nationalisme malgache qui est pourtant très présent et d'accepter l'indépendance comme terme de l'évolution de Madagascar. C'est oui, alors nationalisme malgache, nationalisme aussi algérien, évidemment, qui commence à prendre forme sérieusement. Et puis on n'a pas parlé, alors en Afrique noire, qui va devenir un peu le terrain potentiel d'une décolonisation. Enfin, on ne parle pas de ça encore à ce moment, mais douce. Il y a quand même aussi le RDA. Il y a des partis. Alors. Nationalistes, indépendantistes, qui sont notamment dirigés par deux figures importantes de cette époque, Félix Houphouët-Boigny et puis Léopold Sédar Senghor. Alors ce rassemblement... Bien sûr. Alors on est là dans la tentative, à partir de ce moment-là, du moment où on donne la possibilité aux Africains d'envoyer des élus au Parlement français, et pas seulement à l'Assemblée de l'Union française, on pense le problème de l'encadrement des Africains et de l'encadrement politique. Donc les forces politiques françaises vont chercher finalement de s'étendre ou d'avoir des relais en Afrique. On est là encore dans une optique d'assimilation et progressivement, les forces africaines vont s'organiser. Le RDA pose d'abord énormément de problèmes à la France puisqu'il se construit d'abord dans un compagnonnage avec le Parti communiste et dans l'idée d'un nationalisme de rupture avec la France. Et c'est l'œuvre de François Mitterrand et des gouverneurs coloniaux qui vont l'amener à un nationalisme beaucoup plus modéré à partir de 50-51 qui vise à jouer le jeu d'une évolution en partenariat avec la France. Et à partir de ce moment-là, le RDA devient la pièce maîtresse de la politique coloniale française dans les années 50. Oui, et on peut le voir aussi sur votre terrain guyanais, Dennis Morris, ceux qui vont devenir des autonomistes guyanais, comme Justin Cataillé, qui fait partie de ces enseignants sur lesquels vous avez travaillé pour votre thèse. Et ben Justin Cataillé, il est d'abord, il crée la Fédération guyanaise de la SFIO dès 1951, mais en 1956, il va créer le Parti socialiste guyanais, le PSG qui va contrebalancer, qui va devenir une pierre dans le caillou des socialistes métropolitains. Oui, vous avez tout à fait raison et il me semble que il est aussi pertinent, comme le soulevait tout à l'heure Séverine Liattard, de relire cette période dans le contexte international et je crois qu'on comprend mieux les positions ambiguës, par exemple, de la SFIO dans le contexte de la guerre froide, tout simplement. La SFIO qui joue un rôle contre anticommuniste, il faut le rappeler aussi à cette époque-là, qui a des positions très anticommunistes, et donc qui se trouve parfois en difficulté face à un parti communiste qui parfois peut prendre de l'ampleur. Oui, absolument. Et donc ce risque de sécession qu'évoquait Frédéric Turpin tout à l'heure devient vraiment, une obsession. Une obsession et du coup le maintien de l'ordre va primer sur l'extension des droits et sur cette volonté d'assimilation qui s'exprimait en 46. Alors, on va écouter, on va avancer un petit peu dans le temps avec une autre archive, celle de Gaston Defferre qui se trouve à Dakar le 1er juillet 1956 pour présenter la loi cadre qui porte son nom. Qu'est-ce que cette loi cadre, puisque vous avez fait une biographie qui va bientôt paraître, on l'espère, chez Perrin, Anne-Laure Olivier, qu'est-ce que cette loi cadre Defferre et en quoi est-elle une évolution par rapport à ce qu'on décrit depuis le début de cette émission à propos de l'outre-mer et des anciennes colonies? En fait, la loi cadre Defferre est en parfaite continuité avec les idées qui émergent depuis la libération sur la manière de réformer l'Empire. Et elle vient à un moment où elle fait consensus dans la classe politique, tant métropolitaine que parmi les élites parlementaires africaines. C'est l'idée qu'il est urgent de réformer l'Empire et notamment les territoires d'Afrique subsaharienne si on veut éviter qu'un embrasement, un scénario à l'algérienne. C'est l'obsession algérienne qui guide l'idée qu'on peut encore peut-être agir à temps et dit de faire sans contrainte, ce qui est faux, mais c'est son discours, pour réformer l'Empire et engager une évolution pacifique. Voilà, il la présente, cette loi cadre, au Sénégalais. Nous sommes le 1er juillet 1956 à Dakar. Ce n'est pas parce que je n'avais pas envie de venir à Dakar, surtout. C'est parce que je m'étais promis que je ne viendrais en Afrique que quand je pourrais vous apporter véritablement quelque chose. Je ne voulais pas venir pour faire du tourisme. Je ne voulais pas venir pour apporter des promesses. Je ne voulais pas venir pour répandre de vaines paroles. Je voulais attendre que le Parlement se soit prononcé et adopté le texte que le gouvernement lui avait soumis, et alors je savais que je pourrais venir vers vous. La loi 4 prévoit d'abord la création de conseils du gouvernement, qui seront composés d'élus des territoires d'outre-mer, qui sont en majorité dans ces conseils du gouvernement, et de fonctionnaires qui siégeront les uns et les autres autour du gouverneur, et qui représenteront véritablement le pouvoir exécutif, je l'ai dit, au Parlement. Les assemblées territoriales, que vous connaissez déjà, verront leur pouvoir s'accroître. De nouvelles compétences leur seront confiées. Et puis, et c'est la troisième réforme dans l'ordre politique, la loi cadre prévoit la création de conseils de circonscription, de communes rurales, c'est-à-dire l'organisation politique et administrative de ce que vous appelez la brousse, de ce que nous appelons, nous, dans la métropole, la partie rurale de notre pays. Mais notre réforme n'aurait pas été complète sur le plan politique et administratif si elle n'avait pas prévu une africanisation des cadres, c'est-à-dire si elle n'avait pas répondu à une de vos aspirations exprimées depuis si longtemps et jusqu'à maintenant si peu satisfaite. Mais j'ai tenu à le dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce n'est pas parce que nous allons promouvoir dans l'administration et dans les cadres toute une élite africaine que nous allons pour autant sacrifier les droits des fonctionnaires métropolitains. Et je l'ai déclaré du haut de la tribune et je tiens à le répéter ici en votre présence à tous, les droits des fonctionnaires, quels qu'ils soient, seront garantis. Ils ne subiront aucun préjudice. Il serait indigne du gouvernement de vouloir permettre qu'une évolution politique ou administrative se passe au détriment de ceux qui ont jusqu'à maintenant bien servi la France. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Où l'on découvre dans cet archive de Gaston Defer à Dakar le 1er juillet 1956 que ce n'est pas Emmanuel Macron l'inventeur du « en même temps ». Il faut à la fois défendre l'africanisation des cadres, mais en même temps défendre les fonctionnaires français qui ont bien servi l'Empire. Séverine Niattard. Ce qu'il faut préciser, alors Olivier, c'est que ce qu'a compris, très bien compris Gaston Defer, c'est qu'il faut aller très très vite et que c'est tellement compliqué de changer la Constitution qu'il faut trouver un système juridique pour que tous les décrets accompagnant cette réforme puissent être votés très très rapidement par l'Assemblée. Oui, oui, on voit très bien dans ce document qui est très intéressant l'étroitesse de sa marge de manœuvre. En fait, la loi cadre est une loi de décentralisation qui vise à favoriser la participation des Africains au pouvoir local à travers l'extension des pouvoirs de l'Assemblée territoriale et la création d'un embryon d'exécutif local avec le Conseil de gouvernement, le tout en créant une fonction publique territoriale, une fonction publique africaine et en séparant ce qui relève de l'État républicain et ce qui de la métropole plutôt et ce qui relève des affaires africaines, des affaires territoriales et en donnant à tout le monde le suffrage universel et le collège unique. Mais pour faire tout ça, effectivement, et pour aller vite dans une situation d'immobilisme colonial, de difficulté du Parlement à légiférer, il fallait éviter une réforme constitutionnelle qui était un serpent de mer de la 4e République, qui finalement, évidemment, n'aura jamais lieu, et en même temps trouver une formule qui permette un dessaisissement des parlementaires en faveur de l'exécutif pour que le ministre puisse aller vite sans piétiner totalement les droits du Parlement, ne serait-ce que parce qu'il fallait associer un minimum à l'heure où on dit qu'on veut associer les Africains à la gestion des affaires politiques, il fallait les associer un minimum à l'élaboration de cette loi et donc on ne pouvait pas se passer de l'aval du Parlement. Frédéric Turpin, sur cette difficulté à tenir les deux bouts de la chaîne, pourrait-on dire. Oui, bah, le premier bout pour Gaston Defferre, c'est effectivement une difficulté parlementaire, d'où la formule de la loi cadre, qui est une loi qui donne par implication un certain nombre de réformes grâce à des décrets qui sont à vocation réglementaire et non des décrets-loi. Donc tous les 4 mois, lorsqu'un décret est pris, vous avez 4 mois pour que l'Assemblée s'en saisisse ou non, ou non. Donc pour les principaux, ce sera le cas, etc. Pour le reste, il faut aller vite parce que les territoires ont considérablement évolué, y compris du point de vue, j'allais dire, local, international. Pensez à la conférence de Bandung en 1955. Il y a le Togo, le Cameroun. L'Indochine. Dien Bien Phu en 1954. La Toussaint Rouge en Algérie, etc., etc. Vous voyez, le feu est en train de prendre un peu partout. Donc il faut absolument donner un maximum de capacité à gérer par soi-même pour les affaires locales aux autochtones de l'Empire, aux membres de l'Empire, sous peine de voir tout le monde partir, tout simplement. Edens Maurice, pour le cas particulier de la Guyane et des vieilles colonies des Antilles, qu'en est-il justement de la réception de cet affolement que l'on peut percevoir tout de même dans les pouvoirs, dans les gouvernements de la 4e République vis-à-vis de ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde? Je dirais que cette loi cadre est une déception pour les départements d'outre-mer parce qu'elle accorde, comme le dit Gaston Defferre, énormément d'autonomie interne à ce que l'on va appeler les territoires d'outre-mer et qui demeurent encore attachés à la République, je pense à la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie. Elle est une déception. Parce que c'est ce que réclament sans cesse ces nouvelles figures politiques, une autonomie pour les départements d'outre-mer. Et donc ce que montre cette loi, c'est qu'elle n'est pas possible cette autonomie pour ces territoires qui sont considérés finalement comme un prolongement du territoire métropolitain et donc qui doivent être organisés sur le modèle métropolitain. Et quel est le rôle justement du préfet? On a dit que la figure du préfet remplaçait celle du gouverneur auparavant. Quel est son rôle? Est-ce qu'il est autoritaire? Est-ce qu'il prend les décisions seul? Est-ce qu'il devient, par exemple, le tenant face aux volontés d'autonomie de la départementalisation comme étant représentant de l'État face à des autonomistes de plus en plus déterminés à gagner des marges de manœuvre? Enfin, comment ça se passe-t-il, justement, à partir de cette milieu d'années 50, alors qu'on a décrit la situation, par exemple, pour la Guyane, plutôt favorablement avec des élites créoles qui avaient bien accueilli cette départementalisation au départ? Ça change à ce moment-là? Oui, cela change. Alors ça change d'abord parce que il faut s'intéresser à l'homme qui ou aux hommes qui incarnent la fonction. Ça change également parce que en 1960, le général de Gaulle qui fait une tournée dans les Antilles et en Guyane accroît les pouvoirs attribués à cette fonction, de sorte que déjà qu'ils étaient très importants, et le préfet passe de plus en plus pour un nouveau gouverneur, un proconsul dans ces territoires. Ensuite, dernier point, cela change parce que, je le répète, le maintien de l'ordre, le maintien de l'unité nationale devient la priorité du gouvernement Debré. En témoigne une ordonnance en 1960 qui accorde au pouvoir au préfet de muter tout fonctionnaire qui serait susceptible de troubler l'ordre public. On connaîtra ça effectivement, en particulier aux Antilles, un tout petit peu plus tard au moment de révolte. Séverine Yatta. On voit bien cette ambiguïté, on entend hein, dans le discours de Defferre, satisfaire les élites africaines, mais en même temps ne pas désatisfaire tout le personnel sur place. Et d'ailleurs, ça va poser évidemment des problématiques aussi, alors en Guyane mais en Afrique, tout simplement des problématiques de rémunération, par exemple. C'est-à-dire l'égalité des salaires, ce genre de choses que, en fait, la métropole n'a pas du tout les moyens de financer, Anne-Laure Olivier. Oui, en fait, le nœud du problème, comme souvent en politique, est un problème de financement, hein, est un problème budgétaire, avec sur place une fonction publique métropolitaine qui est très inquiète de la question de l'africanisation des cadres et de savoir si elle va garder ses avantages acquis, c'est-à-dire un supplément de salaire par rapport au salaire donné aux Africains. Et donc ça va être véritablement le nœud des réformes, et c'est pour ça qu'il est si précautionneux en 56. Mais évidemment, on est dans un contexte où la guerre d'Algérie coûte très cher, où il y a une crise budgétaire en France très très forte, où on va d'expédient en expédient et où les mesures mises en place par la loi cadre coûtent très cher, il faut la financer et on n'en a plus les moyens. Et de ce point de vue-là, Defferre veut mener une politique dont le gouvernement, qui arrive tardivement et dont le gouvernement n'a plus les moyens. un extrait d'archives de Houphouët Boigny à Boisquet le 3 novembre 1956. Veuillez écouter Monsieur le ministre délégué à la présidence du Conseil, Houphouët Boigny. Monsieur le gouverneur, messieurs les élus, monsieur le chef supérieur des Baoulés, messieurs les chefs de canton, mesdames, messieurs, la loi cadre due à la généreuse initiative de mon excellent ami Gaston Defferre, ministre des Territoires d'Outre-mer, se propose de donner à nos territoires d'outre-mer une promotion nouvelle dans tous les domaines. Mais nous avons pensé, quant à nous, que toutes ces réformes ne répondront à l'attente de l'Afrique que dans la mesure où nous aurions su créer le climat de fraternité et de confiance indispensable à la réalisation pratique des réformes contenues dans la loi cadre. Nous avons choisi, je vous épargne les considérants, les détails, j'en réserve la primeur au congrès de Bamako, nous avons choisi la collaboration fraternelle. Et c'est pour concrétiser par des faits cette volonté d'union dans le travail pour une communauté franco-africaine que j'ai effectué ce dernier voyage, que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour lancer à nouveau un appel pressant, un appel à l'union. C'est donc Houphouët Boigny à Boisquet le 3 novembre 1956. Frédéric Turpin, on n'est pas encore, on peut pas pratiquer la téléologie. On ne sait pas encore que les indépendances africaines vont intervenir dans 4 ans pour la plupart d'entre elles, en l'occurrence. Mais néanmoins, on sent bien que il y a avec la fraternité qui le caractérise chez Houphouët Boigny, qu'il y a des tensions à l'intérieur justement de sa vision par rapport à ses collègues métropolitains. Alors, il y a des tensions entre métropolitains et africains, et il y a des tensions entre africains eux-mêmes aussi, c'est-à-dire qui n'ont pas la même vision du devenir des anciennes fédérations, ou de ce qui est en train de devenir les anciennes fédérations d'AOF et d'AEF. Avec les tensions un peu plus tard, entre Sédar Senghor et Houphouët Boigny. Oui, mais la question se pose et est déjà presque tranchée en 1956 avec la loi cadre de fer qui renforce le cadre des territoires d'outre-mer au détriment des fédérations. Les conseils de gouvernement et les conseils, les assemblées parlementaires fédérales d'AOF deviennent finalement des objets qui n'ont plus d'intérêt. Les pouvoirs du gouverneur général de l'AOF ou de l'AEF deviennent des pouvoirs essentiellement de coordination et non plus des pouvoirs exécutifs. Donc on a tranché le débat à ce moment-là, quasiment à partir de 1956, par rapport à cette question, la balkanisation entre guillemets de l'Afrique, dont Senghor en particulier se plaindra très vertement à partir de 58-60. Mm-hmm. Et on l'a déjà en partie tranché avec la loi cadre. Anne-Laure Olivier. Oui, alors la loi en elle-même, celle qui est votée en juin 56, ne tranche pas tout à fait le débat, mais les décrets en 57 le tranchent véritablement. Il y a des divisions entre Africains, et on parlait de Senghor et d'Houphouët Boigny, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que Senghor et Houphouët Boigny sont quand même globalement acquis à ce que recherchent de faire, c'est-à-dire l'idée d'une troisième voie, c'est-à-dire entre le statu quo et l'indépendance, créer et ouvrir la possibilité de créer un cadre, un Commonwealth à la française, qui permette une forme d'évolution des relations qui ne soit autre chose que l'indépendance conçue à l'époque comme sécession, c'est-à-dire comme une rupture totale et encore plus brutale ou violente. Avec cette idée, alors Olivier, que dans ce monde bipolarisé, ces nations, si elles deviennent indépendantes, vont se faire capter par camp ou l'autre. Bien sûr, c'est l'idée, c'est le grand discours sur l'indépendance, de toute façon, sera chimérique. Mais qui est la grande idée des socialistes. Mais en Afrique, les choses vont très vite. Et ces députés-là, que ce soit Houphouët Boigny comme Senghor, sont débordés, en fait, à la base par la jeunesse africaine qui, elle, est travaillée par Bandung, par les nationalismes, par l'indépendance. Par le Togo et Cameroun aussi. Voilà, qui est politisée à travers le syndicalisme étudiant et des Africains qui sont politisés à travers le combat syndical et qui voient que notamment le Togo a une longueur d'avance. Et puis, Hélène Smorris, on sait bien que le monde est déjà globalisé à cette époque-là, c'est-à-dire que il n'y a pas de précaré qui serait à l'écart des évolutions du monde à ce moment-là. Et toute la région des Antilles-Guyane, par exemple, est elle aussi travaillée par ces questions d'indépendance, d'autonomie. Et Bandung fait partie effectivement des références de certains ou de certaines. Absolument. J'ajouterais aussi les effets de la révolution cubaine. Bien sûr. En 59, qui a un vrai écho aux Antilles. Et en Guyane, j'ajouterais également des projets s'énoncent de fédération des trois Guyanes, une espèce de projet transimpérial. Ces territoires sont bien ancrés dans leur territoire et travaillés par tout ce qui s'y déroule. Et je voudrais ajouter aussi sur la loi cadre de fer, à partir de l'exemple des territoires d'outre-mer en Océanie, que à travers d'ailleurs ce que montre Marie Salin, que c'est aussi un moment de nationalisation. Je m'explique, on accorde effectivement autonomie des conseils de gouvernement, et si je prends le cas de l'enseignement, que je connais un petit peu mieux, eh bien, ces territoires deviennent compétents en matière scolaire. Mmh. Mais en définitive, qui finance, c'est le budget de la nation. Donc, au bout d'un moment, les choix sont vite arrêtés il faut renationaliser ces territoires en matière scolaire. Ce que ça signifie, c'est que la gestion des personnels devient celle de l'éducation nationale. Et donc, on voit bien qu'il y a des difficultés à lâcher, d'une certaine façon, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas laisser faire une véritable autonomie là où certains la souhaiteraient. Vous rappelez effectivement qu'en 1960, Michel Debray, le secrétaire d'État au DOM, qui est Jean Debreuil, Michel Debray lui demande de faire voter tout texte qui favorise la lutte contre les manœuvres sécessionnistes dans les DOM. Donc on sent bien qu'effectivement la crainte, c'est la crainte de la séparation définitive que vous notiez tout à l'heure, Anne-Laure Olivier. Un reportage du 31 août 1958 sur le voyage du général de Gaulle en Afrique pour promouvoir un autre terme qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à maintenant, la communauté française, le fameux « dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non », c'était la chanson qu'avait donc composée la France pour pouvoir justement favoriser le vote pour cette communauté française. Le général de Gaulle a voulu aller lui-même exposer les bases de la future communauté française aux peuples appelés à s'y associer. Laissant à M. Guy Mollet l'intérim de la présidence du Conseil, le chef du gouvernement s'est embarqué pour cette croisière de plus de 20 000 km qui le mènerait à Madagascar, au Moyen-Congo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Sénégal. Voyage long et fatigant, ponctué d'étapes rapides, mais placé sous le signe de la grande espérance que porte en elle la future constitution. Terminant alors son périple africain, le général de Gaulle s'est arrêté à Alger, où la foule lui a fait l'ovation que deux fois déjà elle lui avait réservée. C'est ici que se termine le voyage. Un grand voyage plein de sens et d'enseignement, plein de résonance et d'espoir vigoureux. Car, malgré quelques dissonances, attisées par des volontés destructrices ou des démagogies pernicieuses, il reste évident que chacun comprend l'action et la tâche du général de Gaulle. Tâche ingrate sans doute, mais exaltante. Car chacun pourra reconnaître, à travers son action, le vrai visage de la France, ce visage qu'aura demain la communauté. Des peuples qui ont choisi de s'associer librement à la France, car ils savent qu'à l'époque des grands ensembles, les nations isolées sont destinées à disparaître. Voilà, et ça n'est pas une parodie, hein, c'est véritablement une archive de 1958 à propos du voyage de Gaulle en août 1958 dans les pays d'Afrique. Frédéric Turpin. Oui, ce n'est pas une parodie de Frédéric Turpin non plus. Oui, c'est un voyage qui, globalement, s'est très bien passé. C'était très compliqué parce que l'ordre initial n'était pas celui qui a été réalisé finalement. Certains, comme le ministre Bernard Cornu de Gentil, ministre de la France Outre-mer, pensaient qu'il valait mieux commencer par Conakry. et Sékou Touré, car c'est là qu'on avait une chance de le convaincre. Donc si ça avait été le cas, vous imaginez évidemment le résultat, compte tenu de ce qui s'est passé, de l'opposition et finalement de la rupture franco-guinéenne à la suite du discours de Sékou Touré. Donc c'est Pierre Messmer, c'est Jacques Foccart qui ont fait inverser le sens du voyage, commençant par l'AEF pour l'essentiel, l'Afrique centrale, et remontant là vers les difficultés, c'est-à-dire vers l'Afrique occidentale, sachant que c'est aussi Bernard Cornut-Gentil qui avait fait rajouter cet arrêt à Conakry, Conakry n'étant pas une capitale fédérale. Il n'y avait aucune raison de s'y arrêter normalement. Et l'arrivée en Algérie, Frédéric Turpin, on est en 58. Oui. Alors il y a une petite voyage. Il y a une petite histoire avec le retour, c'est que qui est liée d'ailleurs à la grande histoire, celle de franco-guinéenne, c'est que De Gaulle n'avait pas eu le temps de lire le discours de Sékou Touré, notamment parce que normalement c'est Jacques Foccart qui lui faisait la lecture avant. Or, Jacques Foccart a été appelé d'urgence par Georges Pompidou, qui était à l'époque le directeur de cabinet donc du président du Conseil, Charles de Gaulle, du fait d'une alerte à l'attentat prévue sur l'aéroport d'Alger ou à proximité au moment de l'escale technique, puisqu'il s'agit d'une escale technique du président du Conseil, Charles de Gaulle. Vous voyez, donc il y a une petite histoire aussi à travers la rupture franco-guinéenne à ce moment-là. Et après, donc, ces termes qu'on a beaucoup utilisés, Union française, communauté, etc., etc., naîtra, mais ça c'est toute l'histoire de votre livre, un autre terme, ça s'appellera la France-Afrique, mais ça c'est un peu plus tard. Mais il y a déjà peut-être les prémices de cette union un peu particulière et souterraine dans ce voyage de 1958. À travers la personnalisation des rapports entre chefs d'État africains, oui, là on est déjà dans une des matrices, même s'il y a toujours évidemment les intérêts, y compris les intérêts de nation derrière. Donc on commencera à le retrouver. Et puis il y a l'autre vocable dont on n'a pas parlé, qui est celui de la coopération. La coopération, les premières conventions de coopération sont signées en 1959. Avant les indépendances, elles dépendent du ministère d'aide et de la coopération, Robert Lecourt, MRP. Donc on n'est pas du tout dans le cadre réel ou fantasmagorique de la France-Afrique. Donc, non, mais c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de termes. On a entendu tout à l'heure, par exemple, collaboration fraternelle. Ça, c'était ouf. Vous voyez, on voit bien qu'il y a il faudrait faire un dictionnaire quasiment de tous les termes pour pouvoir justifier les liens possibles ou impossibles entre la France et ses anciennes colonies dans ces années-là. Enfin, collaboration fraternelle, c'est un terme qu'on emploierait un peu moins en métropole, pour une raison évidente. Voilà. Alors, Olivier. Oui, je crois que la communauté arrive, mais elle arrive trop tard. Et en fait, c'est toute l'histoire de cette tentative menée de créer un grand ensemble franco-africain. Tout arrive toujours trop tard, et notamment la question cruciale de permettre, l'avenir n'est qu'aux grands ensembles, il faut rester avec nous, sans quoi vous êtes rien, c'est fondé. Mais comment permettre une libre association si on ne permet pas à un moment donné une autodétermination? Et c'est là, évidemment, tout le dilemme de la France. Merci beaucoup, Edens Maurice. Votre livre paraîtra d'ici quelques temps, on espère, tiré de votre thèse sur la Guyane et l'école. Pour vous, c'est dans quelques mois, on l'espère, chez Perrin, votre biographie donc consacrée à Gaston Defferre, Anne-Laure Olivier. Quant à vous, Frédéric Turpin, on peut déjà lire Jacques Foccart dans l'ombre du pouvoir, publié au CNRS, et puis vous préparez une biographie de Pierre Messmer, c'est ça? Chez Perrin aussi. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent à la question de l'esclavage, écoutez ce soir donc le deuxième volet de la série documentaire donc de Stéphane Bonnefoy et Diffie Marianni sur les Antilles enchaînées à l'esclavage. Et sachez que aujourd'hui se tient au musée d'Orsay, dans le cadre de l'exposition qui s'y tient sur le modèle noir, Patrimoine déchaîné. C'est une journée d'études, il y en avait déjà une hier, vers un réseau du paysage culturel de l'esclavage, héritage, transmission et création, donc avec tout un tas d'intervenants, en particulier pour la journée d'aujourd'hui, Amadi Bo Koum, Goléphal, Dominique de Fonréau, Anne Lafont, Françoise Vergès ou encore Jacques Martial, et Laurent Védrine, etc. C'est donc au musée d'Orsay toute la journée aujourd'hui.